T'as voulu sauter les étapes pour pouvoir fuck avec la grosse monnaie. Loin dans le bise, dans des dièses avec des gros bonnets. Baiser d'avance parce que trop pressé d'être au sommet. Manque de chance ou plus car un fourgon menotte au poignet. Péter plus haut que son cul, aller trop vite c'est deux spies. La bonne ville est aspect, les faux potes leur faut respect. Ils évitent le casse-pipe, leur truc c'est sucer des bites. Ils squattent ton shit, ta caisse, tes bouteilles et ton fric. Et tu te crois à l'élite parce que tu traînes qu'avec des petites frappes. Pressé de comment ton Ruger, dès que ça se tape. Le nier folle sur tes concurrents, un temps tu te fais des ennemis. Les humilie, t'oublies qu'ascension et chute sont jumelés. T'es un boss dans ta ville, les gars t'en veulent et c'est ça que t'aimes. Toi tu baisses leurs femmes jusqu'à ce qu'elles te disent bébé, je t'aime. Et quand ton pote te dit Renoir t'es plus le même, tu lui dis bouge pas j'ai un deuxième appel. Tu vis la thug life comme les mecs de la west side. Tu te crois plus caille que les boss de cartel. Plus de sky, toi tu baises avec du cristal. Et tu cries fuck the world quand t'es trop die. Thug life, par mère tu fais ça west side. Thug style et tu comportes comme une petite caille. Like le blunt papi, mets-toi high. Et puis crie fuck the world nigga quand t'es trop die. T'es un battant alors tu lâches pas l'affaire. Non. T'es devenu de ceux à qui on peut pas la faire. Focalisé sur l'objectif partenaire. Avec des yeux derrière la tête, paranoïaque comme en temps de guerre. Faut plus que tu t'égares ou te cours. Alors t'as arrêté de boire, mais tu bédaves toujours. Bien que pour le bis, t'essaies de rester clair. C'est rare quand tu sors, tu sais que les boîtes sont pleines de pièges. Genre le temps qu'on y perd, au lieu de prendre sa maille dehors, on la perd. Alors tu restes pépère, mais toujours deux spies dans tes dièses. T'évites les erreurs d'hier. Machine à faire du fric, made in la street, c'est what poto. T'es concentré, tu blagues up, c'était chaud. La monnaie bouge, mais tu restes cool. Même quand c'est beaucoup, c'est doux, tu restes aware. Et quand les flics fouillent, y'a rien du tout. Et tu souris, vélo en bouche sur le périph. Tu guettes ta go, William Bell dans le pionnier. Et puis tu dis, tu vis la thug life, mais c'est pas celle de la west side. Maintenant t'es boss player, tu veux plus être Kai. Tu leur laisses le sky, les putes et le cristal. Et tu dis fuck the world quand t'es trop die. Thug life, boss player, thug style. Like le blunt papi, mets-toi bien high. Et puis crie fuck the world quand t'es trop die. À la banque, papy, t'es plus dans le rouge. T'as du cash, mais maintenant ça démange. Dès que tu bouges, ça tente tant que tu pars en couille. Ta femme t'aime et tu la trompes. T'as honte et ça te rend ouf, mais un jour elle s'en rend compte. Alors elle avale de boîte de l'exomile et c'est toi qui la trouves. Près d'un mot qui dit qu'elle t'aime et qu'à cause de ça elle souffre. C'est ton erreur, partenaire, t'as pas su résister. Le diable est rentré dans ton cœur et t'as pas su le dépister. Mais ta faute est de celle auquel tous les regrets ne changent rien. J'étais ton pote à l'époque, mais t'as oublié tous les tiens. Ça m'a fait mal parce qu'au départ c'était juste toi et moi contre le monde et tous ses fils de pute, on était au-dessus des lois. Mais enfin moi les lois m'ont rattrapé, toi tu m'as zappé. Pas une lettre ou un appel quand ils ont rejeté mon appel. J'ai attendu, compter les jours et les semaines pour que tu sentes ma peine. Enfoiré, maintenant tu salueras ta femme. C'est ça la thug life, mais chez nous c'est pas la west side. C'est pas les drive-by, on est que des sales cailles. On fait de la sale maille, sous vodka ou sky. Et on crie fuck the world quand on est trop die. Thug life, partner, c'est pas la west side. Thug style, mais get to highlight. Les ligues sont solo jusqu'au James Lazes. Sans crier fuck the world, on est en taille après un bon split.